at San Francisco. Il n'y avait personne, ne dans le quartier. Il faisait trop chaud. Il faisait trop chaud. Sur la gare de 20 ans, qui s'était shooté un petit peu trop. Un petit peu trop. Et quand les crevés, oh oh, là sur le trottoir, sous le yamsé d'un policier noir. San Francisco. San Francisco.